Mesdames, messieurs et chers actionnaires, je tiens à vous dire... Pute salope, enculé, couille connard, mal monté, branleur pisseuse, garce suceuse, que le dernier conseil d'administration, fion, con, queue, tête de nœud, sac à bise, chieur de bite, a décidé à l'unanimité, fils de pute, enfoiré, reluqué, mal baisé, foutre des chiens, fumier de lapin, de vous saluer. Gros couillon, merde, chier, con, pine, morue, trou de cul. À jeudi prochain. Ça, c'est Roger Whittaker. Puis on se demande, dans quelle situation intellectuelle s'est-il placé pour écrire cette chanson? J'ai quitté mon pays bleu. Est-ce que c'est la mer? C'est un Écossais, lui-là. C'est pas un Québécois, ça, là. Même si tu regardes ses grandes lunettes, dans les années 70, c'était la grosse mode, c'est la grande mode. 70. Tout le monde avait ce genre de gros aquarium-là, deux immenses vitres. À travers ça, il y avait deux petits poissons qui étaient là, qui regardaient. Envolez, envolez, envolez, envolez, envolez, envolez. Les gens criaient. Alors, c'était la... Alors, pour montrer que c'était incroyablement démesuré, les verres étaient teintés de bleu. Pour ça, là, dans sa chanson, moi j'ai quitté mon pays bleu. C'est ces lunettes que malheureusement, au long des années, a dû les laisser comme ça sur le bord d'un bar. Le bord d'un bar? Ben voyons. À quelle place tu veux oublier tes lunettes si c'est pas dans un bar à 3h du matin quand la porte est barrée? T'es barman. Je suis pas boré, barman, voyons donc, oui. Ça fait la sixième fois que je frappe à votre porte. Mais c'est un endroit public, ça, monsieur le barman. Ouais, mais pas pour toi. Ben, voyons donc, oui. Tu vas me dire, toi, là, dans cette file-là, qu'il y en a qui sont borés, pis dans d'autres qui sont pas borés. Ben oui. Là, pourquoi j'entends de l'écho pis pas d'écho? C'est dans ta tête, toi. Je vois bien qu'il y a un petit poids, tu sais, ça se promène, là, hein? Quand ça monte vers le haut, là, ça t'amène des échos, là. Pis vers le bas, c'est quoi? C'est tout graveleux, c'est presque nébuleux, c'est de la belle terre glaise, là. Si tu fiches tes idées là-dedans, tu vas ressembler à un parti presque libéral, là. T'es pas prêt, toi, là, pour ta libération intellectuelle, imaginaire et langagière. Comme disait mon ami. Même il sait pas, mon ami. Tu sais pas des mots, mais moi, excuse-moi, là. Il y a beaucoup d'émotions ce soir. Mais seulement tu fais chaud. Il sait pas que c'est mon ami Richard Desjardins. Là, je mets même pas. La citation de Richard, vas-y, cite-le! Ben, je le citerai si je le veux. Faut peut-être des droits d'auteur pour citer Richard Desjardins. Ben, voyons donc, Léo Ferré, tout le monde dit, hein, récite son classique. Même lui, il voulait plus rien savoir à la fin de ses jours de. Ah, celle qui dit. Ils sont plus grands, là. Son plus grand-fils, il y en a juste un. Oh oui, c'est vrai, ça, vous êtes au courant. Bon, moi, tout ce qui est people, oui, peoples. Oui, la chanson de Léo Ferré avec le temps, là. Avec le temps, tout en va, mais tout, vous êtes entendu, c'est gagné, voyons donc, ton disque saute. Ben oui, c'est du CD digital. J'ai demandé nouveau Blu-ray audio. Ils m'ont dit, t'es idiot. Parlons donc, crois-tu que Léo Ferré, c'est propagé dans la haute fidélité Blu-ray audio? Je dis, pourquoi pas, toi, là? C'est pas juste donné à des Prince pis à des chanteurs anglo-saxons, là. On peut-tu laisser la place à nos vrais intellectuels francophones? Félix Leclerc, là, en Blu-ray audio, là. On dirait que c'est pas sa voix, hein? On dirait qu'il faisait ça dans le premier album. Moi, je l'ai 1952, quand c'était... Ça, c'est de l'immensité, hein? Avec le Blu-ray, on sent que c'est les grands espaces, là. Je préfère la version 52. Ouais. Ça voyage-tu plus loin avec du mono ou du stéréo surround digital Dolby's? Je sais pas, moi, là, tu me poses des questions. Je crois que tu te trompes avec un professionnel de la sodoration. De la misère à brancher mes oreilles entre mes deux tympans. Moi, parce qu'on m'a... Non, entre mes deux... En haut, c'est quoi, ça? C'est une tête? Mais je sais pas, deux têtes, j'espère. Ça fait déjà peur de même avoir l'allure que j'ai. Mais imagine-toi deux têtes. OK, on m'a dit à la naissance... Mon rêve, il était sous mon médecin. Ah, il était sous la couverture de l'anonymat parce qu'on pouvait même pas le nommer. Quand il rentrait là, dans son... pas dans son bureau, mais dans son hôpital, il frappait à la porte. Là on ouvrait la petite fenêtre. Il disait... Les carottes sont cuites. Oh, c'est le docteur Lepage! On m'a appelé pour un avortement de rénal gagné. Ben, regardons, il est rendu à 10 mois. À 10 mois de convalescence. Mais non, sa mère, 10 mois de grossesse. Il faut l'accoucher. Il faut faire sortir cet enfant. Ben oui, il est complètement malade. 10 mois, oui, non, mais dans mon livre à l'université. C'est en quelle année, l'université, j'ai fait ça? Moi, en 2000... c'est pas important. Moi, là, j'ai réussi. Regardez, quand vous rentrez dans mon bureau, où je vais voir mes patients, tes patients, c'est patient. Parce que quand t'es patient, dans un hôpital, faut que tu sois plus que patient. Un patient-patient. Si t'es impatient, tu t'en vas dans le couloir, là, où on ronge notre mordicus. Hey, monsieur, comment tu fais ça? C'est presque une animalerie, là, à travers tous les gros chiens. Les patients impatients. Moi, j'ai gardé ça comme microbe. Ben voyons donc. Oui. Sur Internet, là, j'ai appris que la posiologie, là, c'était du... comment t'appelles ça, madame? D'inflammatoire. Des suppositoires ou des anti-inflammatoires? Ben, suppositoires, ben voyons donc. Ça rentre pas par la bouche ou par le... Par les deux tympans. Il n'y a pas de trou d'un tympan, toi, là. Tu veux dire les narines. Rentre-toi où tu veux, on s'en balance-tu, on t'est prescrit, là. Tu vas faire vivre les entreprises pharmaceutiques. Tu peux te rentrer ça n'importe où, on veut rien savoir. Achète-le, prends ton argent, investis ça là-dedans. Nous autres, on va t'organiser, là. On va t'accrocher jusqu'à la fin de tes jours. Et tu pourras jamais le dire. C'est terminé, voilà. Ça fait déjà 3 ans que je suis sur les sentiers inflammatoires. On dirait que la bouche ne veut pas me suivre. Elle est partie avant moi hier, puis je la cherche. Je m'en allais, ben, parce qu'elle ne savait pas, moi. J'avais dit Montréal. J'ai une bouche quand même assez libératrice et surtout, madame, anarchiste. Et là, je crois bien qu'elle a voulu me jouer un tour. Elle est partie à Trois-Rivières. Là, j'ai appelé M. Claude Moirier, le négociateur. À cette heure que j'étais pas là, j'ai dit peut-être que la mâchoire est rendue là. Fait que là, j'ai dit, allô, mon Claude, c'est Il dit, comment tu fais pour m'appeler si t'as pas de mouchoir? Ah non, non, je l'ai emprunté à... à une amie. C'est une péripatie. Elle avait pas besoin de sa mouchoir à soir. Elle m'a dit, garde, tu me perds pas mon entier, là. Puis tu gardes ma mouchoir pour 12 heures. Hé, hey, j'ai une mouchoir de péripatéticienne. Hey, ça tire, ça. Oh. Je pense que je vais la garder. Je vais l'acheter. Au pire, je vais la vendre sur eBay. M'arranger avec mon beau-frère pour qu'il l'achète. Puis après ça, il va me la revendre. Comme ça, je vais lui dire, je l'ai perdu ta mouchoir. Elle pourra plus pratiquer. Hey, ça va faire des patients et patients, comme dans les cliniques. Oui, ça va bien. Ça va très bien. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ben, il voulait absolument rien dire. Il voulait simplement vous divulguer pourquoi certaines filles bien mises, belle éducation, formation, non, bon, on change de sujet, madame. Ouais. Faudrait fermer le livre. Il était rendu presque à la fin. Ben, c'est ça. Il a perdu 3 pages, pas important. L'émission qui perd 18 pages ici, là, on peut les placer à n'importe quelle strate de l'animation. Pff, on s'en rend pas compte. Comme un film de Godard. Je vous en ai déjà parlé. La Canon Film. Kodak Film. avait demandé à Godard, juste pour placer ça dans son catalogue. Hey, oui, c'est Kodak Film, exactement. Oh, on a fait quelques petits films légers. pas trop de budget sur le linge. Mais par contre, regardez, là, la ligne 19, c'est Jean-Luc Godard. Son film, c'est King Lear. Pas n'importe quoi, là, c'est pas un sextoy, ça? Sextoy. Jean-Luc Godard est sextoy. Non, c'est un sextoy. Qu'est-ce que ça veut dire, toy? Ben oui, quand tu choisis 3 tailles, on dit, si tu prends la plus petite taille, ben c'est toi qui vas perdre. Faut prendre la plus grosse taille. Ah non, c'est pas paille, c'est taille. Sextoy. C'est taillé dans le béton. Admettons que c'est ça. Ok, c'est tiré par les cheveux. Mais c'est ça, Godard, lui. Canon Film. C'est-tu Kodak ou Canon? Canon! J'ai dit Kodak depuis tantôt, là. Excusez-moi, on va faire des bips, on n'est pas encouragé par ça. Existe plus qu'à cette compagnie-là. Ben voyons donc, ils ont mis tout le monde à pied. Ils s'en viennent chez nous, là. Comment? Ben à pied, ils sont mis à pied, ils vont venir à pied. Oh! Ils n'ont plus de voiture, ils ont tout vendu. En direction Québec, direction Limoilou, direction 3e Avenue, direction La Liberté, parce qu'ils savent que tout se passe... L'univers, attention là, ce qu'il va se dire, l'univers merveilleux qui s'ouvre à nous, là, hein? Tout le monde heureux, tout le monde sans problème, c'est à Québec que ça commence. Dans quelques jours, fait que je vous demanderai à tout le monde de vous rassembler, acheter des billets d'avion, venez à Québec. Vous êtes en voiture, venez à Québec. Tu m'écoutes à Montréal? Viens à Québec. T'es en Suisse, tu m'écoutes? Ah ouais, à Québec. Semaine prochaine, notre grosse réunion. La liberté des idées, la liberté absolue, des rencontres exceptionnelles. Exceptionnelles, Nel. C'est une Nel. Et donc, Canon Film, toujours sur Canon, OK? Canon Film, Godard, King Lear. Je dis pas n'importe quoi, là. Allez voir sur Internet. Je dis pas n'importe quoi, Internet. Gargoyle.fr. King Lear, Jean-Luc Godard. Vous allez savoir l'histoire et c'est ce que je viens de vous divulguer à l'instant. Mais tu parles au yacht? Non, je parle. Mais non. Je parle à ma culture cinématographique, à ma pauvre connaissance. Et là, je disais, pourquoi certaines filles? Là, on est rendu à un autre sujet. Là. Ouais. C'est pas bon, je sais. Pour mon image, j'en ai pas d'image. Écoutez, on va parler de ça plus tard, OK? Nous poursuivons. Alors, je continue. Oui. Ça vous dérange pas, madame? Oui. Restez calme. Prenez place. Gardez votre radio bien ouverte. À CKRL 89.1. C'est plus la radio des découvertes, là. C'est celle qui cultive vos goûts. Donc, tes goûts. Pourquoi certaines filles bien mises, belle éducation, formation académique, impact, cherchent souvent de vilains petits garçons? Calotte à l'envers. ça va avec le quotient. Calotte à l'envers, grossier et sans culture. Maintenant. Oh, c'est mon petit poussin. Mon amour. Oh. Il est un petit vagabond de l'âme. Non. Je connais pas ça, non, moi. Petit capotin. Cabaki, cabotin. Cabotin. Tintin, cabotin. Est-ce qu'on peut parler à M. Cabotin? Oui. OK. Quand même, c'est un nom assez étrange. Oui. Pendant toutes les années, on vous a pris un peu moins au sérieux. Oui. Ben là, on disait Cabotin. Comment le Cabotin, hein? Oui. Bon. Comment vous prenez ça aujourd'hui, en 2013, là? Avez-vous besoin de rencontrer des professionnels de la santé mentale? Oui. Vous êtes encore vivant, vous? Oui. Dans le dictionnaire, on n'a pas pensé de l'enlever. Oui. Oui. Oh, en 2012, 2013, 2000, non, on est en 2013. Oh, on me siffle à l'oreille en 2023. Oui. Mais il paraît qu'il y a une comète. Là, c'est pas Mme Thibodeau qui me regarde par la fenêtre depuis tantôt, là, hein? À chaque fois que je vais dans la salle de toilette, dans la salle, là, c'est pas la salle, elle s'imagine, c'est la toilette, mais c'est pas ça. C'est la salle de séjour, puis là, c'est le soir, fait qu'elle va attendre longtemps, hein? Parce qu'il faut habiter la salle de séjour uniquement le jour, pas le soir, pas la nuit. Parce que ça va tout troubler l'environnement, l'espace. C'est important, l'espace. Là. L'espace-temps, surtout, hein? Madame, ouais, mais là, arrêtez de faire votre cabotin. Hein? Monsieur, alors, on vous louange parce que vous avez pas vraiment une signification, pas facile à dire, ça non plus, hein? Oui. Vous avez pas une compréhension de votre mot à la juste valeur de ce que vous êtes fondamentalement, mon cher monsieur. Oui. Alors, nous vous louangeons. Oui. Arrêtez de faire le cabotin. Oui. Alors, grand fou, on est le 30 août. 30 août, 30 août. Tous les jours du mois se résument ainsi. 30 août. 30 août. Vendredi 30 août. Excuse-moi, là, je suis le train en marche. Donc, je ne suis pas le train en marche, mais je suis dans le sens de suivre. Et non pas d'être, là. Hein? Alors, donc, je cours et je ne m'arrête point, puisque je le recevrai sur la gueule à mon arrêt final. Mais oui, 30 août! Aujourd'hui, le vendredi, 30 août! Arrête de le dire, on le sait! Merci. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, des problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur et musicien Renaud Bernal. Renaud Bernal se raconte ainsi. Attiré par la musique, ça c'est Renaud qui parle. Attiré par la musique de l'enfance, j'ai commencé à 13 ans à jouer sur une vieille guitare acoustique Hofner qui appartenait à ma mère. Je l'ai toujours et me demande souvent en la regardant comment elle a pu sonner. Les premières influences musicales sont anglo-saxonnes. Après un début punk rock, le rockabilly fait son entrée, suivi du blues et la variété et le jazz, qui ont trouvé leur place durant ma période intermittente du spectacle. Cependant, ma sensibilité est plutôt issue du rock avec pour phare The Clash, The Stray Cat, Eric Clapton, Little Lovett et Breaking Ladies. J'ai très vite pu m'intégrer à des différents groupes amateurs dans lesquels je jouais à la guitare rythmique. C'est une période vraiment riche qui m'a permis de pénétrer différents univers allant de la boum et de l'animation liturgique en passant par les bals, concerts et cafés-concerts. Fort de cette expérience, j'ai créé Bridger Out, un trio rock avec guitare, basse et batterie. Un saxophone a complété le trio énergique. Nous voulions un répertoire original qui m'a amené à absorber la composition, le chant, tant en français qu'en anglais, et la réalisation studio. Cela nous a valu les honneurs de quelques émissions de télévision sur France 3, créées en 2000. Le groupe est aujourd'hui dissous. Mais en juillet 2012, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet homme lumineux et rempli de passion. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui. Alors, place aux mots, place au lyrisme reynaldien, bref, place à l'envoûtement et en avant, la zizik. Un bon matin, je me suis levé, j'entendais le rossignol chanter. Puis tu chantes, rossignol chante, toi qui as le cœur gai. Tu as toujours le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Rossignol chante, toi qui as le cœur gai. Didi didi didam, didi didi didam, didi didi didi didi didam, didi didi didam, didi didi didam, didi didi didi didi didam, didi didi didam, didi didi didam, didi didi didi didi didam, didi didi didam, didi didi didam, didi didi didi didi didam. Ils me disent trois mots latins, ces trois mots-là, je les compris bien. C'est que les petites filles ne valent rien, puis les femmes mariées encore bien moins. C'est que les petites filles ne valent rien, puis les femmes mariées encore bien moins. Quant aux garçons, on n'en dit rien, ils ont toujours le verre à la main. Les chemins et tout ça. Oui, okay, ouais. Et le trafic est toujours de plus en plus pénible, mais je suis pas très loin de Paris, donc c'est. Mais ça prend combien de temps? Là aujourd'hui ça prend beaucoup de temps parce qu'il y avait un monde de fous sur la route. Okay. Donc ça peut faire une heure, mais là j'ai bien mis 2 heures. J'ai couru et j'ai fini à mes trois. Pour venir ici? Bah ouais. Pour me rencontrer? Bah hey. C'est KRL, voyons. Ben oui, tu viens de plus loin. Oui, mais moi, c'est parce que je rencontre plusieurs personnes. Ben oui, mais bon, écoute, c'est toi qui viens de plus loin, donc c'est à nous de venir. Ah ben c'est merci. Normal. Ben merci. Ben un jour, nous, on appelle ça en région, nous irons en région. Oui, ben voilà, c'est la région qui vient. Ben oui, c'est ça, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est pas très loin en périphérie de Paris. Ben, puis en même temps, c'est loin parce qu'une fois que t'es rendu, t'es dépaysé. Voilà. Et puis, je vis dans une maison qui est assez sympa, qui est assez grande, et je peux faire de la musique sans aucun problème. Est-ce que tu arrives à vivre de ton métier ou... J'ai été intermittent 7 ou 8 ans, donc ouais. ça, tant bien que mal, on va dire. Et les hasards ont fait que j'ai retravaillé à côté. Et ça s'est plus ou moins toujours équilibré. Et puis là, c'est un peu sévère. Mais donc, je cherche à faire de plus en plus de concerts pour justement ne plus penser à travailler autre part, quoi, à côté. Mais là, t'as un autre boulot pour... J'ai une toute petite société de traitement d'eau. Ok. Donc, dans ton village. Bah, chez moi, j'ai la chance d'avoir le bureau et le studio à la maison. Ok, mais traitement d'eau. Filtration, anti-calcaire, osmosère, des choses comme ça. Oui, mais c'est toi qui dispense les autres. Je suis tout seul. C'est tout petit, donc je suis tout seul. Ouais, mais je veux dire, comment tu peux faire pour vivre? Eh ben, j'en vends. Ok, c'est ça. Ah oui, j'en installe et j'en vends. Et puis si j'en vends pas assez, ben, je vais faire des concerts. Et puis comme je préfère faire des concerts, j'oublie un peu la société. Et voilà, la chance, si tu veux, c'est de pouvoir avoir le studio en permanence à disposition. Okay. Et ça nous permet de, ça me permet de composer, de travailler. Mais quand tu ne prendras jamais d'eau, bref. Bah, non, on la boit. Il y a à boire, mais il faut que ça à manger. Oui, mais ça marche, ça marche. Ah, ça fonctionne bien. Ouais, ça marche. As-tu déjà des albums disponibles? Alors, en fin de compte, si tu veux, le projet sur lequel on se voit aujourd'hui au niveau de la musique, donc qui n'est que des compositions, on n'a jamais été signé par un label. Ok. J'ai fait il y a un an, j'ai rencontré. Depuis un an, je travaille avec une femme qui s'appelle Chiara, qui écrit les textes, ouais, c'est ce et qui, la poétesse des temps modernes, pour reprendre une phrase un peu sympa d'une amie. D'une chanson, on est venu à une deuxième, à une troisième. On en a fait une pour voir ce que ça donnait. Au niveau des retours, ça commençait à être très bien. Une deuxième, troisième. Aujourd'hui, on est à presque 13 titres et on attend justement... elle diffuse un peu partout au niveau des labels, de production. Tu peux toi-même faire la distribution de tes... Voilà, on fait tout en même temps, donc c'est un peu difficile parce qu'on fait la réalisation des disques, on les compose, on les joue, on les répète. Fait mais comme... c'est ce qu'on doit faire malheureusement, tout à fait. Pas attendre que les grandes compagnies. Et donc on fait tout ça, mais on est en attente, si tu veux, de voir ce qui va se passer là dans les semaines ou petits mois éventuellement. Il y a des gens qui aiment beaucoup ce qu'on fait et qui nous disent bah, bingo, ça peut le faire quoi. Donc on a été écouté par énormément de labels, grosse major comme, comme petite, ouais. Sony, Warner, tout le monde nous écoute. Donc mais on pourquoi a beaucoup de chance. Tu préférerais pas distribuer toi-même tes disques après les spectacles ou... c'est ce qu'on va faire. Le tout, c'est de savoir comment est-ce que on est en train justement de tout faire en même temps. Je rencontre la semaine prochaine un tourneur pour justement voir un petit peu comment on va travailler. On va travailler aussi sur la mise en scène du concert. Parce que tu veux vraiment mettre ça en concert. Qu'on travaille, il y a la Normandie qui aime bien ce qu'on fait, donc on est parisien et lagien en même temps, et qui se propose de mettre en scène le concert, avec toute une structure derrière un peu plus grosse, donc on rencontre un tourneur en conséquence, on met le spectacle en scène avec eux, coach vocal, coach metteur en scène, tout ça. Moi j'ai écouté deux chansons, oui. Mais je sais pas si on peut avoir les pièces à la maison, si c'est disponible. Pas encore, on peut juste les écouter sur le net, sans aucun souci, elles sont toutes en intégralité. Dans mon émission, mais je t'ai amené les disques. Je t'ai amené deux albums avec les 12 chansons pour justement que tu puisses les. Pourquoi tu parles de. Que lorsque tu chantes les chansons écrites par une fille, c'est tout à fait étrange. J'ai beaucoup de compositrices qui. J'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup. Et je trouve que on alterne entre le féminin et le masculin. Sa sensibilité, la mienne, sa vision des choses, on la récupère. Je me régale. Ces images deviennent les miennes sont les siennes. Est-ce qu'il y a une discussion avant ou si elle amène son univers vers toi? Elle amène son univers. Ça peut partir d'une phrase, d'une histoire de ligne, par exemple la chanson Entre tes lignes. Entre tes lignes, on peut avoir quelque chose et de là, elle part. Elle part. Ouais. Et elle revient en disant, j'ai fait ça. Et généralement, je prends son texte et je le mets dans le studio. Et puis, la première chose à faire, je fais comme toi, je branche les micros. Oui, toujours bien. C'est toujours bien avant. Et puis, je prends une gratte et puis voilà. OK, alors la musique n'est pas déjà préparée. C'est toi, en lisant son texte, tu essaies de trouver la mélodie, les mots. Ce qui m'inspire en le lisant, et puis l'atmosphère que j'ai envie de créer, ou lorsqu'elle me parle de la chanson, avant d'avoir reçu le texte, la manière dont le premier ressenti, comment est-ce que je le perçois, et l'atmosphère que je visualise. J'aime bien, si tu veux, en musique, c'est transformer une photo en mots ou en notes. Ah ouais, une carte postale. Voilà. Et ça, j'ai écrit pas mal de chansons aussi parce que j'avais une image, je l'ai transformée. Et ça, je me régale. Je suis pas un poète, si tu veux, écrire un poème avec des vers. Ce que j'aime, moi, c'est le lyrisme et de l'envoler suite à une image. C'est les métaphores, c'est tout à fait. Tout à fait. Et avec Chiara, on se régale parce que là-dessus, elle est très forte, donc c'est chouette. Est-ce que c'est toi qui lui demande ou c'est elle qui t'arrive avec quelque chose? Puis est-ce que tu peux refuser? Mais moi, on n'a pas eu de refus l'un envers l'autre, donc ça. Pourquoi c'est génial. Pourquoi c'est trop de respect? Parce qu'on est... alter ego? D'une certaine façon, on l'est, oui. Et puis, on accepte l'autre, on accepte l'idée de l'autre, et donc on évolue. Par exemple, elle me dit, cette chanson-là, je la vois comme ça. Je lui dis, super. Puis en la chantant, on voit qu'il y a des choses qui vont sonner ou pas sonner. Donc, il faut faire des modifications. Donc, je lui propose de retravailler, de revoir ça en disant ça. Ou, sur la chanson Hambourg, je ne sais pas si tu as pu l'écouter. Non, celle-là, non. J'avais pas assez de paroles. Okay. Donc, je lui dis... Il n'y avait pas assez de paroles. J'en veux plus. Pas plus instrumentaliser tout ça. C'est déjà vachement instrumentalisé. Okay. Nos chansons sont longues, en plus. Elles font entre 4 et 5 minutes à chaque fois. Ben, c'est dans les traditions, 5 minutes et moins, entre 2 et 5 minutes. Moi, j'ai besoin de temps. Okay, j'ai besoin de temps pour amener, pour construire l'ambiance. Dans les années 70, une chanson pouvait durer 20 minutes. Hein, on partait, mais on ne revenait plus. ils sont jamais revenus, d'ailleurs. Non, c'est ça. Et Dieu merci. Attends, je vais demander quelque chose. Tu veux quelque chose? Oh non, merci. S'il vous plaît. Et donc, toi, tu jettes absolument rien. Oui, et tu me disais que la chanson manquait quelque chose. Donc, il manquait des paroles dans l'image que j'avais. Et donc, voilà. Et puis, on avait des mots qui étaient phares au départ, qui ne sont plus à l'arrivée. Parce que tout compte fait, on a basculé. Et ce qu'on a travaillé ensemble nous convient plus que l'idée de départ à son niveau ou à mon niveau. Elle est aussi très forte puisque j'avais fait certaines chansons où le texte n'était pas assez abouti ou trop personnel. Donc, au bout d'un moment, ce que tu as pu faire en pensant à... ou quelqu'un ou quelque chose, ça a plus son actualité dans le projet un petit peu ambitieux dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Et je lui dis, voilà la musique, t'as la musique, t'as la mélodie qui était écrite, hein, à toi. En sortant du taxi, je monte l'escalier, mon toit et demi, puis je rentre la clé. Y'a quelqu'un chez nous, c'est même pas moi. C'est vrai que j'suis un peu sous, tout le monde peut se tromper. Le nouveau locataire me garoche un papier. Il paraît que c'est clair que je dois m'en aller. J'essaie de rentrer. La police, les voisins déboulent l'escalier. Le ding-pa-ding. Réveil étrange au milieu de nulle part, immobile comme un ange au coin du boulevard. Le monde passe sans me voir, on dirait qu'il danse, même les chars à soir roulent dans le silence. Je pense que j'ai faim, faudrait bien que je mange, il me reste un peu de change en dollars canadiens. Je rentre au roi du hot dog, je commande un café, il doit avoir un bug. La serveuse me regarde et elle me dit « Excusez-nous, monsieur, on est fermé. » Je regarde la serveuse, j'ai dit « Merci, bonsoir, vous êtes merveilleuse. » Puis je sors sur le trottoir. Là, je m'avouais dans la vitrine, j'ai vraiment l'air fucké. Juste à voir, on devine, j'ai mangé une crise de volée. Le problème, c'est que là, j'ai bien beau essayer, je suis vraiment dans le coma. J'ai tout oublié. Plus de papier, plus de nom. Je suis comme un étranger. Ça commence à être long. Si c'est un cauchemar, réveillez-moi. Je tourne le coin, pas loin de chez Sylvie. Ça fait 10 ans au moins que je suis pas venu par ici. C'est la rue Saint-Laurent, Julie me reconnaît.

elle en vente dans les monoprix. got to go. Good night. You've been wonderful. We'll see you next year. Bye-bye. Merci, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit au micro, t'es-tu capable de faire mieux que ça? Il dit, qu'est-ce que tu viens de me mentionner? Je viens de te dire, es-tu capable de faire mieux que ça? Mieux que quoi? Mais mieux ce que t'as entendu, là. Mieux que les Rolling Stones en 1981, puis mon ami Antoine en 1900, je ne sais plus quoi. Y a pas de problème, moi, là. Y a pas de problème? Non. Au moins le micro, puis ça va aller. Ça va aller? Tout roule dans l'huile. C'est pas tout roule dans l'huile, c'est tout baigne. Moi, ça roule. Oui, mais ça baigne pas, moi, ça roule. Comme l'hamster. L'hamster? Oui, oui. La petite bébite poilue à quatre pattes qui court. Mais moi, ça me fait penser, lorsque j'étais étudiant à l'université. Oui. J'étais souvent à quatre pattes dans une roue et je pédalais. OK. En fait, c'est ma copine qui bien me voit. Elle voyait bien en moi la réduction de l'être. La réduction de l'être? La réduction de l'être. Dans l'être? Dans l'être ou de pas-être. Et toi, tu étais? Non, moi, j'étais dans le pas-être. Pourquoi? Ben, je me cherchais. OK. Et elle aussi. Où étiez-vous? Dans le néant. OK, le Néandertal. Le néant bien dérangé. Comme Gaétan Béranger. Ouais, le grand chanteur Gaétan. Hein? Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. On va y arriver. Pourquoi? Parce que les Rolling... Les Rolling Stones, aujourd'hui, c'est plus rien. En 81, c'était... Let's go! Tout. C'est de l'anglais, ça, Pauline. Viens me découvrir et surtout, je veux payer ma dividende. Je suis un Québécois francophone qui se noie par cet individu louche qui se veut, comment vous appelez? Moi. Il s'appelle moi. Par moi. C'est pas pour moi et pour moi. Amen. Non, ça, c'est une autre prière, là. C'est en moi et en toi. Je veux découvrir l'université. Lâchez les universités. Il se passe rien dans les universités. Il se passe plus rien. Tout est dans la rue. Tout est dans la rue. Plus rien dans les classes. Il n'y a plus de classe. Il n'y a plus de classe populaire. Plus de classe bourgeoise. Plus de quoi? De coiffure prolétaire. Quoi que les... Moi, je... Excusez-moi, Madame Brebis. J'ai la coiffure prolétaire depuis 48 ans. T'en as 42? Non, j'en ai 46. Oh! Mais les deux autres, là, je me préparais. Dans ma maman. Pourquoi? Ma maman me disait, tu seras un touffu, mon fils. Un touffu? Eh oui, oui. Et lorsque je suis né, ouais. J'étais tout confus. OK. Tout confus et tout confus. Comment ça? Tout confus et tout touffu. Oh! Je connais la chanson. Tout nu et tout posé, on se vend contre politique. Tout... C'est quoi là? On n'a pas de caractère. On n'a pas de caractère. Ah oui, OK. Tout nu et tout bronzé, on se vend contre politique. Tout nu et... On était très, très bronzés. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-lui nous suggérer une improvisation. Chers frères, en ce beau vendredi du mois d'août, où les doutes rôdent autour de la date, le mois d'août, la chanson d'Hubert Bécaud. C'est quoi, dans... Charles Aznamour. Le mois d'août, à San Francisco, tout le monde se rase le coco, tout le monde voit du béco. C'est pas ça du tout, j'ai jamais connu ça. Mais non, c'est mon nouveau grand succès. Après les Rolling Stones, là, Le rénal poston. Le rénal poston. Ça gagne pas, ça, là. C'est pas chercheur de dividendes. On veut pas chercher des dividendes. On veut des divinotions. Des divinotions, ben oui! Dans les soirées trop obscures, il y a deux divinotions qui sont arrivées à mon cerveau. Le yob et le saint. Le yob piquait le saint, puis le saint piquait le yob. Puis là, le saint dit au yob, « Lâche-toi lousse! » Puis le yob dit au saint, « Me lâcherai lousse le jour où tu abandonneras. » Mais comment un saint peut abandonner? Il est greffé au bonheur, lui. Tandis que l'autre, c'est l'enfer. Il y a des cornes qui brûlent. Il y a de la cuillère. Non, c'est une fourchette. Non, mais lui, c'est une cuillère parce qu'il n'y avait plus de fourchette. Toutes les fourchettes étaient dans la vaisselle. Il n'avait pas l'air très, très sobre, très, très... prêt à affronter la douceur du bonheur. Avec une cuillère, qu'est-ce que tu la fais? Tu la fais pas, la cuillère, mais tu peux dormir avec le diable en cuillère. Et monsieur, plus tu cuis, plus tu ressembles à hier. Hier, c'est autre chose. Et c'est vrai, puis demain, c'est pas encore né. Il y a bien des enfants encore nés. Mais encore nés dans quoi? Encore nés dans le futur. Encore nés dans ce qu'ils seront bientôt, les mères se frottent la bédaine. Hein? Les femmes enceintes, on les connaît, on les aime. Elles sont belles et elles le savent. Elles se promènent la bédaine au vent, la bédaine au vent. Là, tu dis, oh, j'aime ça voir ça, moi. Je suis un amoureux de la bédaine. Elles sont resplendissantes. J'aimerais que des clientes que je connais, là, deviennent enceintes pour leur dire t'es tellement belle. Parce que quand elles le sont pas, ça fait un peu closure en disant hey, bébé, viens-tu ce soir chez moi? J'aurai pas d'électricité, j'aurai pas rien, les bougies vont être éteintes, tu verras pas, je vais t'aimer. Ah, non, moi je connais ça, ces amants-là. Ah, non. Comment ça? Non. OK. Peux-tu être enceinte? De qui? Ben, je sais pas, d'un amoureux, de quelqu'un. Mais ce sera pas de toi. Ben, je vais pas demander moi. Je n'ai pas les moyens financiers, moi. Si je veux aller à Paris à chaque année, là, faut pas que j'aille des enfants. Là. Je mets aucun condom. T'es pas secret. Ben non, je mets pas de condom, mais. Ça veut même pas vivre. C'est sternadomine. Stress d'ammonomine. Ben, c'est pas ça, c'est des spermatozoïdes. Ah ouais, moi j'en ai pas. Moi, c'est de l'eau. De l'eau essentielle, de l'eau bénite. Lorsque ça pure, ça dit « Je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Espèce. » Là, l'espèce arrive jusqu'aux cieux des demoiselles. Ah, c'est totalement étrange. Là, ici, c'est quoi? C'est d'eau bénite. Ah! Béni soit-il maintenant et toujours pour des siècles et des siècles. Amen. L'improvisation, on te l'amène. On te l'amène ce soir, maintenant. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. C'était un mercredi soir. Ça me fait penser à... C'était un mercredi soir, il n'y avait rien eu de terrible à la télé. C'est normal, c'est la télé. Attends-toi pas de vivre l'éternité à la télé. Jean-Luc Godard, je l'ai dit depuis le début, c'est l'oubli, la télé. Moi, je t'invite essentiellement à préparer ton audition à la radio. La grande ouverture, c'est celle de la radiophonie. Tu peux t'imaginer tout ce qui se passe, même tout ce qui se passe pas. Un fou rire, tu dis, hey, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Hey, l'autre est en train de lui... Ah, oh, je sais pas. Là. Là, tu vas voir sur Facebook. Facebook. Radio Banana ou Errance Rénal Dengue. Tu sais pas, c'est quoi, là? Oh, y a... Ben, voyons donc. Ils étaient 18 ce soir-là. Ils lisaient des livres incroyables. Je pensais qu'elle était toute seule, qu'elle se dédoublait. Non, mais je te tiens par la chemillette, Béra. Le seul endroit où on peut se diviser en multiples personnages et qui n'aura flé aucun prix. Quoique, pendant les 3 premières années de son émission, hein, au gala, blablabla. Mais il n'y allait pas, fait que les gens ont dit « On va l'éliminer! » « On va l'éliminer! » Puis ce qu'il nous boude, ce que je boude, c'est pas les prix, c'est pas les remerciements, c'est le décorum. J'aime pas le décorum. Hein. Je lui ai demandé, il y a quelques semaines, 2 décorums doubles. J'ai rien vu arriver. Je me suis dit, je pense que on doit arrêter tout ça parce que plus rien ne risque de se présenter. Mais là, voyons donc, toi, laisse pas comme ça, comme ça. Comment? Laisse pas comme ça, comme ça. C'est comme le groupe Radio. Laisse pas comme ça, comme ça. On veut pas laisser ça comme ça, comme ça. On veut laisser ça dans la continuité de l'errance. Marcher, chercher, essayer de trouver. On sait pas quoi, on sait pas où, mais ça nous dérange pas. Tout ce qui est drôle, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est énorme, c'est ici ce soir, maintenant. Et à tous les vendredis soirs, même pas à Saint-Dilon, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, là, mais présentement, Bukowski nous dit que le titre, c'est « T'embarrasser ». C'est qui? « T'embarrasser, Lily, qui venait de Somalie, Lily, dans un combat plein d'immigrés, chercher le monde entier pour baiser les amis à Paris. » C'est pas ça du tout. C'est « T'as embrassé, Lily ». Bukowski, jamais j'ai embrassé Lily, je l'ai rencontré, j'ai jamais rencontré Lily. Tu me l'as empêché, là. Pendant 3 soirs, j'ai voulu, arrête de vouloir, puis cherche. Je cherche pas, j'ai déjà trouvé. C'est pas ma Lily, c'est ta Lily. C'est ta Lily. Ta liaison clandestine. Oh, ta Lady héroïne. Ta Lady bien héroïne. Oh, ma Lady héroïne. If I'm in lockdown. carte blanche. Et super. Donc après, on modifie un petit peu. On ajuste. Okay, mais c'est super. Comment fonctionnent les modifications? C'est elle qui revient ou c'est toi qui dis, ben là, écoute, lorsque je joue à ce moment-là, il faudrait peut-être changer le mot. Par exemple, oui. Ou alors, elle s'en rend compte lorsque tu chantes, oh, mais ça voilà. Ça ou alors, elle peut comprendre un autre mot. Bon, là-dessus, le net, c'est génial parce qu'on travaille. Ok, parce qu'elle reste loin. Elle est en Normandie. Ah oui. Donc, il y a deux jours, on était ensemble sur Paris, puis on a répété. On aurait pu se rencontrer. Presque. On prend des micros, puis... Je l'ai déjà fait il y a un an. Ah, écoute, on a répété avec tout le monde, c'était lundi. Ils ont été avec plaisir. La prochaine répétition, oui. L'année prochaine. Et donc, voilà, quoi. Donc, on est sur une phase de création. Les répétitions sont enregistrées. Est-ce que tu regardes? Oui, j'enregistre. Il y a des choses qui peuvent se passer là. Tout à fait. Même se retrouver sur un CD. Oui, et puis on peut aussi voir. La grande chance que j'ai, c'est que j'ai tout à la maison. Oui, tu joues maison. Alors, si j'ai besoin d'enregistrer, de retravailler, ben, on revient, micro, on fait console, l'émission. Tout le temps. Voilà. Mais est-ce que tu demandes à des musiciens ou si c'est toi avec un synthé qui recrée? Non, on n'a rien fait en synthé, tout est joué. Okay. D'ailleurs, je sais pas faire... Alors, toi, tu prends le côté acoustique, le côté véritable musicien. Je fais toutes les guitares. Sur le disque, à part maintenant où je travaille avec un autre copain qui vient, qui sera sur scène avec nous. Sinon, j'ai fait toutes les guitares. Au départ, j'ai fait une ligne de basse. Et le bassiste avec qui je travaille depuis 25 ans, on est plus copains. Ah ouais, on est super potes. C'est 25 ans? Oui, à peu près, oui. Tu as quoi, tu as 27 ans? Non, j'en ai 26 et demi. Mais ok, bon, c'est ça, ouais, déjà. Je vois déjà avec ces instruments en plastique. Voilà. Et donc, cette erreur, je vais demander un truc à boire. Et lui derrière, c'est un vrai bassiste, il refait les basses. Parce que moi je sais pas les faire. Okay. Et il travaille son truc et puis on fait tout. S'il vous plaît. Tu peux avoir un Perrier, s'il vous plaît. Merci. Et donc on travaille ensemble et puis je fais toutes les guitares, les solos, les guitares, les voix, tu fais tout le... Voilà, j'ai tout fait. Alors, sauf la basse. Sauf la basse où je suis pas bon. Ok. Donc j'ai une idée de basse au départ et lui après il fait sa soupe. Alors il y a juste toi et le bassiste. Voilà. Okay. Et donc... Sur scène on va être deux guitares. Oui. Le bassiste qui fait des chœurs aussi et un batteur. Qui va alterner batterie et un peu de percus. Et sur les albums, il n'y a pas de batteur? Pour l'instant, il n'y en a pas parce que c'est long, c'est compliqué d'enregistrer une batterie, c'était long. Et après, laisser les emplois du temps, il faut vraiment mettre en place les parties. Trop de boulot. Ça sonne plus rock, ça sonne beaucoup plus. Sur scène, de toute manière, on est quand même assez rock d'une manière générale. C'est un peu plus calme, même si les guitares peuvent. On rentre dedans. Okay. On rentre dedans. Même quand on joue à un tempo à 72, on rentre dedans. Est-ce que des guitares électriques? Oui, aussi. Je suis un fou de guitare. Okay. Et je mélange toutes les guitares. Tu fais une formation guitaristique ou... Je suis très autodidacte. Okay. Mais tu peux lire une partition? De loin, le titre. Le titre, c'est vachement important. Non, j'y arrive un petit peu, mais je ne suis pas lecteur, je ne suis pas un musicien de studio classique, je sais pas, c'est pas ça. Mais à nous tous, on a un répertoire, on se fait 15 heures de musique sans avoir joué le même morceau. Quoi. Okay. Mais vous jouez aussi sur l'improvisation, si vous êtes au contraire. Oui, bien sûr. Okay. C'est pour ça que c'était bien de définir les morceaux avec une petite structure instrumentale d'instruments et de musiciens. Parce que sinon, c'est trop compliqué entre les gestions d'emploi du temps, et les répétitions et les budgets. On explose tout et ça, c'est pas valable. Donc, c'est bien quand on a quelqu'un derrière qui pousse en disant... On attend pour un projet, allons-y. Oui. Et là, d'accord, on y va. Mais là, on a fait quelque chose de défini et on s'y tient, parce que c'est ce qui plaît. Mm-hmm. C'est ce qui plaît au label, c'est ce qui plaît aux maisons de disques, c'est ce qui plaît aux professionnels qui nous écoutent. Donc, tant mieux. On dit, on garde ça. Et maintenant, on ajuste suivant le ressenti lorsqu'on répète, lorsqu'on a envie, lorsqu'on les joue sur scène, ce qu'on a pu penser, ce qu'on a pu ressentir. Et voilà, quoi. Et lorsque ton disque sera disponible dans les maisons de disques, on le retrouvera à quel endroit? La chanson française, rock? Alors ça, je jazz, sais pas du tout. Quand... Mais là, toi, lorsque tu le présentes à des maisons de disques... On me considère beaucoup comme un guitariste de blues. Okay. Je me suis jamais trouvé guitariste de blues. Okay. Mais moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui est rock, rockabilly. Si tu veux... Années 50? Moi, je suis fan de... d'un groupe comme les Stray Cats. Oui, j'ai lu dans ta bio. Les Bernaked Ladies. Oui. Voilà. Et avec tout ça, je fais ma soupe. Voilà, si tu, c'est un peu tout ça. C'est tes influences, mais tu fais pas, tu recrées pas ça. Ah ben non, non, mais c'est ce que j'aime écouter. Okay. C'est ce que j'aime écouter. Et les Clash, voilà. Ah, c'est quand même assez punk rock. J'ai une culture punk rock au départ qui a évolué à travers la guitare. Et c'était vachement sympa, quoi. Et puis les rencontres musicales et les concerts, et ben il y a des fois des compos, il y a aussi beaucoup de reprises. Je suis capable de faire du bal, des choses comme ça. Quoi. Et tu fais des reprises en anglais ou des reprises? Les deux, okay. Les deux. Est-ce que tu parles français et anglais? Oui, oui. Ok. Et lorsque tu fais des concerts, est-ce que tu prends uniquement ton matériel ou si tu peux glisser à travers quelques... Ben, si on peut éviter d'avoir le matériel et ben qu'il soit bon. Ok, mais là, tu as combien de chansons à présenter lorsque tu fais un spectacle? Là, on est à 13. 13 chansons. Et alors, 13, c'est un spectacle à peu près 60 minutes. On est voilà. Et qu'on peut grossir un petit peu. Et puis si on doit faire une ou deux reprises, histoire de s'amuser et de convenir à tout le monde. Et oui, c'est alors, sûr qu'on va faire plaisir au public qui voilà, se présente là. En leur disant, c'est nous qui l'avons composé aussi. Oui, c'est ça, ben oui, ne croyez pas que... non, c'est pas les Stones, c'est nous. Exactement. Et donc voilà. Ils nous ont piqué. Ils ont piqué l'idée, ouais. D'ailleurs, le premier accord, c'est un do, c'est le mien. Oui, c'est ça, ben oui, c'est moi qui joue, donc c'est mon do. Et oui, donc après c'est une voilà on et puis ici on peut aussi des fois jouer off après le concert, on peut se retrouver à jouer là deux heures quoi. Okay. On aime ça. Alors vous êtes quand même des musiciens très polyvalents, vous pouvez commencer n'importe où. Voilà. Et est-ce que vous êtes plus connu en région ou Ben si chacun est plus ou moins connu à sa manière, mais en région, dans le point où je suis, c'était pas mal. Sur Paris, le projet est tout neuf. Okay. Donc on a juste tout neuf. Il y a un an. Il y a un an. Donc un an, si tu veux, à travers mon nom, Renaud Bernal, c'est vraiment jeune pour dire que je suis connu. Quoi. Ouais. Mais maman, c'est moi. C'est moi. Je te reconnais, mon enfant. est-ce que la jeune fille qui s'appelle comment? Kiara. Est-ce qu'elle écrit constamment ou si le côté créatif est terminé pour voir éventuellement? Il n'est jamais fini, en fin de compte. On est toujours en retard, si tu veux, sur ce qu'on a envie d'entendre et de réaliser. On a des textes d'avance, on a des musiques d'avance, on en a plein les tiroirs. En ce moment, on est très dans l'administratif parce que c'est la période pour l'album, pour les spectacles, pour les labels, pour savoir où est-ce qu'il va nous signer. Parce que, Et si personne ne vous signe, qu'est-ce que vous allez faire? On va pleurer. Non, ça va le faire. Okay. Ça y va. Okay. Après, vous avez des... On y va, on nous parle de belles choses. On nous parle de belles choses. Okay. Vous êtes optimiste? Ah, très. Okay. Oui, on a envie d'aller jouer. On a de très bons retours. Si tu veux, les morceaux... Non, pas. Ça me fait bizarre de dire ça, mais je n'ai que de très bons retours. Okay. Avec à chaque fois, on surprend toujours encore plus et la réalisation s'améliore. C'est toujours le même matériel, mais c'est on travaille peut-être un peu mieux. Mais c'est vos connaissances aussi au fur et à mesure. La première pièce d'il y a un an et quelques est beaucoup moins intéressante que celle que vous voilà. Alors aujourd'hui, on la rend plus intéressante sur scène, par contre. Ok, oui. Parce que. Alors, vous expérimentez sur scène avant de les anticiper, donc c'est ça l'intérêt. Hein, ben, oui, on mélange tout et puis et c'est sympa aussi de savoir comment telle chanson va être perçue. Par exemple, on peut être dans une soirée, on prend une guitare et puis à un moment, tu fais plusieurs chansons qui sont que tout le monde connaît, puis à un moment, tu glisses la tienne. Okay. Et tu vois un petit peu comment elle est perçue, c'est chouette. Alors éventuellement vous dites selon la réaction c'est elle qui sera au début du disque, celle-là dans le deuxième. Voilà, ça c'est vraiment difficile l'ordre. Et puis en plus à bout d'un moment l'ordre suivant la production, elle a aussi son mot à dire dedans. Ouais. Et on lui laisse avec grand plaisir. Mais là c'est qui actuellement la production? Pour l'instant c'est nous, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne, c'est pour ça qu'on fait alors tout. C'est toi là. Voilà, c'est moi le producteur et l'assistant producteur c'est. Mais tu ne vois pas encore, parce que je rencontre beaucoup de chanteurs, parce que vous êtes plusieurs, hein, êtes fourmilières. Oui. Au Québec, c'est encore davantage, mais nous sommes un peu plus petits, donc, mais il y en a autant. Si tu prends, si tu divises au nombre d'individus, nous sommes autant, OK? Mais là, en 2012, les gens ne cherchent plus à être pris par un label, par une maison de disques, mais essaient de faire ça eux-mêmes. Oui, mais c'est beaucoup de choses. C'est vrai, parce qu'on a les moyens pour faire quelque chose. Talking loud, I can't stand the fucking sound. Freaking out in the USA, yelling at the other guy, arguing over the pipe. Freaking out in the USA. Hold me, squeeze me, friend me, 'cause I'm empty. If I had a fucking gun, I could shoot at everyone. USA. Everyone's like the police, ain't no way to get some peace. Freaking out in the USA. Murderers can stand their ground, ain't nobody else around. Freaking out in the USA. They know morals to the law, doesn't mean a thing at all. Freaking out in the USA. Don't sue me. Don't sue me, baby. People hyped up all the time, nobody is thinking why. Freaking out in the USA. Money is a waste of time, of course I made sure I got mine. Freaking out in the USA. I'm gushing. Yeah, we killed the Indians, all we wanna do is win. Freaking out in the USA. Watch out for the Mexicans, they'll be back to kick our cans. Freaking out in the USA. Now it's time to nuke it out and black it out. Freaking out in the USA. Now it's time to blow it up, prop it up and throw it up. Freaking out in the USA. Talking loud, I can't Il y a studio et studio, il y a scène et scène. Ouais. Quand tu es chez toi avec ton micro qui vaut 200 euros et quand tu arrives en studio et qui vaut 2000 euros, ouais, ça donne pas pareil. Ah non. Et suivant les ingénieurs du son, c'est pas la même chose. Ah, ouais. La sono, les tables, les concerts. Si on peut se soulager de pas mal de choses comme ça et d'être avec en plus des gens qui aiment la musique, dont leur passion c'est leur musique, mais à un niveau. Ça les oreilles, c'est. Ouais, mais ici, on n'entend absolument rien grâce à la vitre. Donc, oui, t'as trouvé. Ben oui, ben là, c'est stratégie. T'es là depuis 11h du matin. Oui, c'est ça. Non, mais je suis arrivé un peu d'avance et j'ai trouvé l'endroit idéal. J'ai dit comment passer, donc j'ai pu sauter par-dessus la fin. Mais pour les micros, c'est l'idéal. Ah, c'est chouette. Hein. Ouais. C'est chouette. Et non, c'est. Associer, si tu veux, notre projet musical à des gens compétents dans un autre domaine, dans la technique. Faire, ouais. Il y a des gens, un photographe de concert, c'est fabuleux, il te fait des photos qui sont géniales. Ouais. un ingénieur du son, il y a un ingénieur du son et un ingénieur du son, et il te fait le son et l'emmener avec nous, et que tout le monde se régale et que tout le monde s'amuse et prenne du plaisir tout en bossant vachement haut, vachement pointu. Parce que. Actuellement, tu n'as pas de contact en dehors de tes copains, il n'y a pas de contact professionnel. Ça commence à se prendre. Il y a beaucoup de gens qui attendent de nous voir sur scène en plus. Okay. On a les morceaux. Et ça se fera pas cet été. Difficilement cette ouais. photo. Je pourrais avoir un terrier, s'il vous plaît. Cochon. Je n'aurais pas. Ouais, c'est incroyable le service. Non, ils ont. Non mais. J'aurais dû demander autre chose peut-être. Ouais, c'est ça, une bière, la bière fera mieux que. Comment le terrier, le secouer, mettre le citron. Okay. S'il vous plaît. Tu veux quelque chose? Ah non, merci. Et Non, tu n'as assez pour ton Perrier, ça peut prendre une demi-heure si on veut faire un autre truc. Oui. Et donc oui, non, on essaye vraiment de c'est pour ça qu'on est beaucoup dans ce côté administratif, pour on fait écouter le morceau à beaucoup de personnes. On okay. a donc radio au Québec aussi, on a eu oui. beaucoup de très très bons retours. Okay. La preuve, je suis ici. Oui. la première écoute, elle avait été faite, je crois, l'année dernière, au mois d'août. Okay. Par, je suis très mauvais en nom, je m'en excuse. Okay. Mais, c'est une radio? Ben, c'est la tienne. Ok, c'est KRR, hein, oui. Ouais, c'était Didier Marcoux. Attends, je vais te dire le nom parce que tu nous avais dit envoyez-moi un lien pour les télécharger les morceaux, c'est chouette. Ah oui. Ah, on était vachement contents. C'est KRR. Ça me surprend pas. Bah, c'est la super radio. Ben écoute, ouais. c'est. Est-ce que tu connais un peu la radio CKRS? Du coup oui. Ok. Ben, est-ce que si tu veux, moi j'avais pas de. Le Québec pour nous c'est loin, même si c'est très tentant. Avec Internet c'est à côté. Et avec de fait d'envoyer les morceaux et d'avoir. Vous faites un truc qui est fabuleux, c'est que vous répondez. Ah oui. Tous les Québécois répondent. Oui. Et d'une manière vachement sympa, et ça donne envie de continuer à parler avec eux. Ben, et, Mais il faut dire qu'on c'est est curieux, mais c'est pour les couverts. Très, très rattaché à la francophonie. Hein. Daniel Marcoux. Ah oui, Daniel Marcoux. Ben oui, c'est le directeur de la programmation à CKRF. Hein? Envoyez-moi un lien pour télécharger les chansons afin de pouvoir les diffuser. Bah oui. Ah oui. Ah oui, on a envoyé les morceaux. Oh, bah oui, aussi sec. Ah ben oui, mais c'est le directeur de la programmation à CKRF. C'est le maître qui dirige, parce que la nuit. Et c'est lui l'émission. Il avait des émissions, une programmation la nuit, je crois. Et c'est ce que j'allais dire. C'est que lui, la nuit. Propose des chansons à un ordinateur parce qu'il n'y a aucune animation de 2h à 6h. Et donc, c'est des pièces que toi, tu peux envoyer qui sont diffusées à CKRL et lorsqu'on a des retours, ben là, on fait comme il a fait. On t'écrit, on te dit « Amène-moi d'autres pièces musicales parce que les gens apprécient. » Donc, puis là, la nuit, si les gens veulent savoir qui a chanté, ils vont sur le site officiel ou écrivent à Daniel Marcoux. Et si tu me dis à 2h15 le matin, chanson française, guitare, voix, lui, il va faire Donc, oh, ben, Daniel, oui. Ben, écoute, c'est le dieu de CKRL au niveau de la musique. Et, alors, t'as frappé fort. Eh bien, écoute, il n'avait pas les mêmes morceaux. Ça fait un an, là. Ça fait un an, au mois d'août. Ah ben et on n'avait pas les morceaux qu'on a aujourd'hui. Okay. Donc, on a. Alors, moi, je vais avoir quelque chose. Toi, t'as même la dernière qu'a pratiquement que j'ai fini samedi. Alors, je lui remets en main propre. Et... Ben, je t'ai donné deux disques, t'en prends un, puis t'en garderas un oui. si tu veux. Oui, ou tu oui, l'en la avec, dernière. Oui, parce que pour agrémenter notre rencontre, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, voilà, on a envie d'aller jouer au Francofolie à Montréal. C'est alors où on se parle, c'est actuellement. Ben oui, donc on parle de 2013. Et il y a aussi le Festival d'été à Québec, off, fucker le festival off, c'est-à-dire le petit festival qui présente des gens de la relève. Et ça, c'est très, très intéressant et très couru par le monde underground. Les gens un peu moins populistes, mais beaucoup plus intéressés à la chanson de chez nous et de chez vous, chanson francophone. Bien sûr. On n'a qu'un seul morceau qui est anglais, en fin de compte. Okay. Je chante en anglais parce qu'il était venu comme ça. Et c'est qui l'a écrit? C'est moi. C'est toi? Oui. Okay. Il s'appelle Son. Est-ce que tu as écrit plus facilement en anglais qu'en français? Au début, oui. Okay. Au début, oui, si tu veux, la difficulté, c'est, et d'ailleurs, c'est le vrai challenge, et c'est de faire sonner le français. Et ça, c'est fabuleux. Ouais. Alors, quand il arrive, après, t'as plus envie de chanter, d'écrire en anglais, parce que. C'est tellement riche le français. Bah oui, on a tellement de mots. Et surtout, tu viens de trouver la compositrice. Oui, on se régale. On se régale, elle a beaucoup de talent. Et toi, comment tu l'as connu? C'est via Internet? Non, c'est par une soirée, et puis on prend contact avec de la musique. Bah oui, moi j'écris des chansons, bah c'est super. Et puis voilà, et puis un jour, t'es pas comme un autre, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Voilà mes textes. Est-ce que vous vous rencontrez quelques fois aussi? Oui, souvent, on essaie de vous voir souvent. On passe 26 heures sur 24 ensemble. 26 heures sur 24? En restant aussi loin? Non, on est toujours en train de parler ensemble, par mail, par téléphone. Ok, non, mais vraiment se rencontrer. Mais oui, on se voit. Et puis au d'un moment, on fait les points ensemble et on se voit suivant. Alors on essaye d'associer ça à des concerts, à des événements, à des rencontres, à des soirées musique. On part, donc on s'est vu lundi pour la répète. On se retrouve samedi au festival de Granville, en Normandie, où on va rencontrer pas mal de gens justement là-bas pour l'année prochaine. Et rencontrer un peu les organisateurs pour l'année prochaine. Okay. Voilà. Okay. Là, cette année, vous travaillez pour l'année prochaine. Voilà, on n'avait pas assez de morceaux, là ça en est, et puis on ne peut pas tout faire. Il faut être aussi lucide, et puis je préfère arriver à un beau spectacle plutôt que d'arriver à inviter les gens à une petite répétition. Mais j'ai deux questions. Qu'est-ce qu'un beau spectacle? Le beau spectacle, il faut que tout le monde s'amuse. Ok. Tout le monde ça commence par vous. Par nous, déjà. Ouais. Bon, on s'amuse toujours, mais il faut que tout le monde soit content et que ça soit beau. Okay. Et qu'on ait de l'émotion et qu'on se dise, wow, c'était l'enfer. Et lorsque tu regardes au loin, tu te rends compte que là, l'affaire est dans le sac. Tout fonctionne, tout le monde est là. Et puis, sur le même rythme que vous, c'est ça qui est important. Voilà. Et tout le monde, la perception des chansons est atteinte, est obtenue. L'émotion est échangée, tout le monde se régale et on fait une heure et demie grandiose, quoi. Ouais. Ça, c'est un beau spectacle. Ok, ça, c'est réussi. Voilà. Et puis, on n'a pas envie de quelque chose de moyen. Puis, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux. Moi, je préfère avoir quelque chose de plus modeste, mais qui soit de qualité, plutôt que de dire, allez, on va faire un gros truc, mais tant pis s'il n'y a pas ci, tant pis s'il n'y a pas ça. Ça ne marche pas, il faut que tout le monde y trouve son compte. Et puis, on s'embête à faire des chansons, les enregistrements, les prises de son. Parce que tout est vraiment fait. Il n'y a pas de correction. Okay. On privilégie toujours la prise de son. Ok, c'est vrai. Et c'est ce qui accroche, le son au cinéma, c'est l'image, mais la musique, voilà, c'est le son. Voilà, donc la trafiquer, les choses comme ça, ça ne nous intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, moi. Il faut un petit peu de performance, un esprit flamme, mais c'est essayer d'atteindre quelque chose qui nous plaise et qui nous satisfasse, de manière à ce que l'auditeur soit ravi, en disant « Waouh, super !» Même si c'est un peu moche comme visibilité, lorsqu'on vous entend, on se réfère à qui rapidement? Les gens, c'est comme... Difficile. Alors, on a Gainsbourg. On a eu Gainsbourg, on a eu Bachung, on a eu Cabrel. Mais pourquoi Gainsbourg, Bachung? C'est parce que les métaphores et la musique, la mélodie. Elle adore Gainsbourg et Bachung? Bah, tout le monde aime, oui, c'est vachement beau, c'est vachement monde, riche. Moi, qu'est-ce qui c'est qui aime pas Gainsbourg? Les gens qui ne connaissent pas, hein. Voilà, ouais. Ce mélange de mélodie, de métaphores, de quelle texte. Période, toi, de Gainsbourg? Bah écoute, moi je trouve qu'elles sont toutes intéressantes. You Under Arrest aussi? Bah ouais, okay. Ouais. Bah oui, en plus il y a une ouverture. Le concept est incroyable, hein, il se fait arrêter par la police. Et c'est fabuleux, il y a tellement de talent qu'il se faisait trois notes, t'es là, quelle que soit la période, t'es là, c'est elles sont super les trois notes. Puis même s'il était à côté de la note, c'est merveilleux, c'est Gainsbourg qui faisait à côté du piano. Ouais, mais je le fais exprès. Exact. Mais là, toi, tu parlais au début de notre rencontre, et ça, je trouve ça intéressant, de la mise en scène. Oui, indispensable. Ok, indispensable, pourquoi? Parce que pour présenter toujours le beau spectacle.

qui me rassure. Guetta Bibelot, à la réception. Non, on réceptionne absolument rien, mon rénal. On cherche déjà ce qui se passe à soir. À soir, il ne se passe absolument rien. J'aimerais bien que vous arrêtiez votre recherche. Nous l'avons trouvé. Nous l'avons même pas cherché, nous. Parce qu'on sait où se trouve l'intelligence. Ouais, dans tes bas. Presque dans mon soulier. Et sans relâche, ça c'est le titre. Mais là, faut pas balancer le titre avant de dire l'ouverture. Ah ben, ouvre-moi ça, ma belle Ghislaine, ouvre-moi ça. Alors, pour la première fois au micro, le moment s'invite à nous. Oui. Prenez nom rénalien. Une consonance de l'esprit. Avez-vous travaillé à Radio-Canada? Moi, j'ai été barré à Radio-Canada. En 92, 95, 2001. Et maintenant, c'est plus Radio-Canada, là, c'est boire. Une consonance de l'esprit nous amènera à voir. À voir quoi? À voir ce qui nous dirigera. Oh mon Dieu, pas des crapauds. Des crapauds. Anglo-saxo qui se klaxonne de nous, francophones. Mais la consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons se sécher le séchoir dans mon eau, OK? Vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil d'organe narratif. Et là, j'excuse mon accusation. OK. Le mot, c'est relâche. Nous allons relâcher pendant 15 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons presque rien dire, sauf un semblant d'écho. On a entendu des choses. Ces choses sont vraies. Ils viennent de naître sous nos oreilles, inconscientes, comme toutes les oreilles. Comment ça, toutes les oreilles sont inconscientes? Les miennes ne le sont pas. Elles sont bio-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo- mon oreille. J'ai pas de tympan, moi. J'ai un triple tympan insonorisé sous les sonorités humaines. Donc, ce qui veut dire que tous les mots que les gens me disent, je les décode autrement. C'est pas une maladie mentale encore. Les psychologues font pas d'argent sur moi. Comment ça? Avant que les psychologues comprennent la psychologie des malades qui viennent de développer une autre maladie qu'ils ne connaissent pas, ça va prendre des années et des années. La médicamentation, oui, on le connaît pas, lui. J'espère qu'on le connaît pas, ça coûte cher. La médicamentation, oui, de toute cette vision de la maladie mentale fait vivre les entreprises pharmaceutiques avec beaucoup d'aisance. Hey, eux autres connaissent la chanson de Pink Floyd. Money, y'a plus de money, y'a plus de money, y'a juste money. Oh, money, la way, la me, let me go away, see. Y'a la way, la way, la blow, I'll throw my thing. C'est pas une chanson de Pink Floyd, ça? C'est avant qu'il soit connu. C'est la version folklorique. Pink Floyd folklorique. Money, plus de money, là, mon portefeuille, tout acheté de médicamentation, parce que mon collation, mon médecin m'a dit, mon tapant, faut taper. Des antidépresseurs, mais je ne suis pas pressé à prendre la dégueu. Je suis comme le citron pressé, moi. Quand on m'a annoncé que c'était beaucoup mieux pour moi de prendre, comment tu appelles ça? Un dépresseur. Un dépresseur, oh. J'ai déjà vu, moi, dans les années 70, du linge rentré dans un genre de même pas un séchoir, c'était avec deux grosses roulettes qui buvaient l'eau, en fait, qui tordaient l'eau, la tordeuse. Je connais, Desjardins connaissait la tordeuse d'épinette, mais moi, c'était la tordeuse de linge. Sans relâche, la tordeuse ne cachait pas sa vivacité à manger le linge. Puis quand tu l'oubliais, les doigts passaient au travers de deux paires de bas, tu dis « aïe, aïe, aïe, aïe », puis là, t'avais plus de bras. C'était fini. La tordeuse, sans relâche, mangeait tout, suçait tout. Ça me fait penser à mon escorte. On escorte, tu sais tout. Quelle escorte? Ben, parce que j'ai besoin des gens pour me protéger. Moi, là, je suis un aide public. Je suis parti de la République et de la sonorité. Pas d'intelligence, parce que quand t'es passé, j'étais pas là. J'étais couché. En fait, je dormais pas, j'étais couché. Je dors jamais. Je suis couché, mais je dors pas. J'ai les oreilles à tout vent. Ben oui, ben oui. Hey, toi, là. Connais-tu ça, le tout vent, toi? T'as jamais connu tout en Camon? Alors, tout en vent, hein? Tout vent, tout connu, tout crochu, ça te dit rien, toi. Rendors-toi, puis va chercher ton crachat. Hey, monsieur. Non, non. S'il va jamais chercher son crachat, il saura jamais qu'il a craché. Oh! C'est comme l'être qui pense. Quand il va pas voir ce qu'il a créé, jamais, jamais, jamais, il va y atteindre, il va quoi? Il va jamais y arriver. Parce qu'on n'arrive pas à la fin avant de savoir que c'est le moment de se retirer. C'est comme la main dans le tordeur. Là. Quand on sent plus le linge, il faudrait peut-être l'enlever la main parce qu'on sait que ça va passer par là. Aïe, aïe, aïe, que c'est futur. J'ai souffert et je souffre encore, mais voyez le résultat. La tordeuse est passée par là. Mais pas besoin de régime. Je te conseille fortement là, de prendre une belle sécheuse des années 70. Deux beaux gros rouleaux, là. Deux beaux gros rouleaux, ça va tordant. Allez, allez, mon gros cote. Deux gros rouleaux, ça va manger. Mange, mange, mange, mange, mange. Vas-y, rentre dedans. Rentre dedans, tant pis pour les prudents. Bing, bang, bien visé, c'est le temps de s'amuser. Rentre-moi dans le grand tordeur. Rentre-moi donc, Albert, entre ces deux gros rouleaux. J'aimerais me sentir comme ça, tout décompressé, tout sec. Juste un soir, Albert, au restant du centre, ou ce matin tranquille, ce matin tranquille, avant que le coq chante, avant que la poule ponde, avant que l'océan déborde, avant que les poissons m'abordent et me disent. Est-ce qu'il est mon dentier, mon nom? Ma dernière cigarette avant de mourir. Et j'ai un cancer du poumon, deuxième poumon, troisième cœur. C'est comme l'alcoolique. Il se dit, est-ce qu'il est mon dernier cigare, mon dernier cognac, ma dernière femme? Elle arrive. Elle arrive dans la dérive comme les ronces partent à travers des sentiers non colportés par les prisonniers laïcs. Et qui? Les prisonniers. Les prisonniers? Les prisonniers. Oh, ben, c'est pas ça que je dis. Hey, t'as pas dit ça. C'est pas parce que je l'ai pas dit que c'est pas vrai, là. Couche ta bouche, ferme tes yeux, tu verras, ça ira mieux. Habiter en face, tu ne me connaîtrais pas. J'irai jusqu'à ma fenêtre pour te voir vivre sans moi. Si tu habitais en face, à deux pas de mes dix doigts, de temps en temps face à face, face à face en face de moi. Si tu habitais en face, si tu vivais juste là, J'irai jusqu'à ta fenêtre, je te frôlerai, crois-moi. Si tu habitais en face, si tu étais juste là, je réduirais cet espace pour me trouver près de toi. Je regarderais ta vie, mais je ne l'aimerais pas. Partager tes secrets, ça ne me plairait pas. Je regarderai tout près, qui te sourit, te tutoie. Si tu habitais en face, tu ne me connaîtrais pas. Si tu habitais en face, si tu vivais juste là, j'irai jusqu'à ta fenêtre et je te frôlerai, crois-moi. Si tu habitais en face, côté pile de mes 10 doigts, de temps en temps face à face, face à face, en face de moi. Et si j'habitais en face, si je vivais juste là, je caresserais ton histoire, appuyé contre toi. Un murmure, un frisson que personne n'entendra. Un moment face à face, face à face, en face de moi. Je regarderai ta vie, mais je ne l'aimerais pas. Partager tes secrets, ça ne me plairait pas. Être là pour si peu de toi, regarder ce que je n'ai pas. Si tu habitais en face, tu ne me connaîtrais pas. En face, tu ne me connaîtrais pas. J'irai jusqu'à ma fenêtre pour te voir vivre sans moi. Si tu habitais en face, à deux pas de mes 10 doigts, de temps en temps face à face, face à face, en face de moi. Si tu habitais en face, si tu vivais juste là, si tu habitais en face, côté pile de mes 10 doigts, de temps en temps face à face, face à face, en face de moi. Si tu habitais en face, si tu habitais en face. Je ne me connaîtrais pas. Mais toi, devant, tu vois pas le chanteur, lumière, projecteur et guitare. Ça, c'est pas toi, ça. Ben non, parce que moi, j'aime la guitare quand je chante, si tu veux, donc il y a la guitare qui est tenue, mais j'aime aussi les réponses avec les choruses de guitare, les riffs. Alors, tu veux une mise en scène. Et il faut une mise en scène, parce que... C'est très sympa d'être ensemble sur une scène et de balancer comme ça, mais c'est quand même, si on peut donner un peu la peine de travailler de manière à avoir un spectacle avec l'éclairage qui va avec le son, de pouvoir transmettre à travers, d'utiliser tout ce qui existe dans une salle de spectacle pour que ça soit beau. Mais c'est plus lourd aussi, là. Si tu parles de mise en scène, tu parles d'éclairage, il faut, lorsque tu fais un spectacle, amener tous ces gens-là. Donc ça demande un professionnel à l'éclairage, un professionnel au son. On est bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Alors, c'est là l'infrastructure est plus complexe. Grosse. Voilà, c'est pour ça que... Au même titre que tu peux te retrouver dans un bar, dans un petit coin qui t'envoie, il n'y a pas de problème. Ça marche. Juste un petit projecteur, le type va localiser, va focaliser, il s'en va. Et encore, si tu l'as tellement dans les yeux, tu mets les lunettes de soleil parce que tu ne vois rien. Et voilà. Tu fais 2 heures devant le micro, voilà. Un peu comme Piaf le faisait. Oui, pareil. Ouais. Écoute, j'ai 10 questions. Oui, vas-y. Est-ce que tu les connais? les discussions parce que des gens. Non. Si tu étais. Ok, c'est déjà mieux parce que tu vas pouvoir te laisser emporter. Si tu étais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai? Tu m'attends à tout. J'ai regardé un peu. Okay, parce que là, c'est deux temps, mon émission. Là. C'est soit les vidéos, ça, c'est le côté improvisation. Oui, oui, okay? Oui, mais c'est ça. Alors, ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est nos rencontres. D'accord. Agrémentées de musique. Oui. 60 minutes d'impro, c'est ce que tu as vu. Pourquoi je filme, c'est très simple. C'est qu'à l'origine, il y a 7 ans et demi, que je fais cette émission-là, les gens ne croyaient pas que j'étais seul. Parce qu'il y a des personnages qui viennent court-circuiter. Bien sûr, oui, j'ai vu. Donc, et quand je me recule, le son n'est pas la même chose que. En plus, moi, je fonctionne avec un Shure. Oui, je l'ai vu. M58. Oui. Et là, j'ai le nouveau Shure. Oui, avec la tête de mort. Dean Martin. Non, il n'y a pas de tête de mort, c'est Dean Martin Crona. D'accord. OK, Crona, Dean Martin. Ou Frank Sinatra, allons-y. Oui. Donc, avec ça, les gens voient qu'il n'y a aucune tricherie. Mais je me suis fait avoir, hein, parce que quand je l'ai écouté d'abord comme bande son, si tu veux, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? OK, c'est ça. Et quand j'ai vu, les images, les vidéos, je me suis dit, ça va, il est bien dingue. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est un schizophrénique contrôlé au niveau, par la radio. Après, il redevient normal, entre guillemets. Ah ouais, entre guillemets, j'ai dit guillemets, effectivement. Tu peux mettre 3 points de suspension, les gens le savent. Si tu étais un liquide. Un liquide? Ouais. Si je voulais parler des formations anciennement professionnelles, je dirais de l'eau, mais le vin. Ben, c'est encore. Un vin blanc en liquide. Ouais. Un vin blanc liquide. Ah ouais. Parce qu'il y a des vins blancs qui sont poudreux. Oui, ou qui sont surtout pas bons. Ok, mais, lesquels? Bon, il faut citer que des bons vins. J'aime surtout de Provence, les vins blancs de Provence. Et pourquoi de Champagne? Ben, ils ont peut-être trop bu. C'est quand même bien. Et un peu bourgeois de dire, j'ai trop bu de champagne. En champagne, tu bois du champagne. Mon fils faisait du football. Tu vas la rencontre à la fin de la rencontre de sport, tout le monde boit du champagne. Ah ouais, surtout même si tu perds. C'est ça qui est bien. Même mon père, ou gagne mon fils, on va boire du champagne à la fin. Voilà, à la kermesse de l'école, hey, champagne. C'est vrai en plus. Oui, et lorsqu'on marche à Champion, on nous dit en dessous, là, c'est des millions de dollars. Tu marches sur des millions de dollars. Wow. C'est hallucinant. Tu y restes. Est-ce que tu connais les champignons? Les Autréo? Non. OK, ben c'est eux qui habitent en Champagne et qui ont leur propre champagne. Si vous étiez une ville. Une ville? Ah, j'adore Londres. Londres? Ouais. Est-ce que tu y vas régulièrement? Plus assez. J'en connais pas beaucoup de villes, mais ce que j'aime dans Londres, c'est que tu as l'impression que tu peux tout faire d'un point de vue artistique. Tu te sens artistiquement porté. Je sais pas, alors peut-être que c'est la culture musicale qui vient au départ de là. Mais je me suis toujours très, très bien senti à Londres. Il y a des concerts, il y a des spectacles qui sont fabuleux chaque soir. Je me régale. Pas de la même manière. Mais je trouve qu'il n'y a pas de la même manière. Je trouve que peut-être parce que j'ai un regard extérieur, mais j'aime beaucoup Paris. J'aime beaucoup Paris, mais aujourd'hui, Paris, je vais le regarder plus d'un point de vue. Moins musical en tout cas. Moins musical. Peut-être parce que c'est plus difficile d'y jouer. Avant, on pouvait y jouer plus facilement, c'est de plus en plus difficile de jouer dans Paris. Londres, j'ai toujours eu une certaine fascination pour cette ville. Bon, j'aime bien aussi beaucoup de villes aux États-Unis. Je connais pas Québec. Ok, pas encore. Mais écoute, t'envoie, le pas de problème, ça s'embarque facilement dans un avion. Oui, quand j'en ai parlé un peu à mes copains, ils sont d'accord pour venir aussi. Non, mais moi, on va se placer dans la valise, il n'y a pas de problème. Voilà. Si tu étais une langue. Une langue, une langue parlée? Une langue. Parce que Jean-Claude Dreyfus a dit, je te dirais ce que Jean-Claude Dreyfus m'a dit. Si tu connais le personnage, tu seras pas surpris. Une langue, je sais pas. Il y a le baiser qui est vachement sympa, donc. Le baiser français. Parce que Dreyfus est un amoureux de cochon. Oui. Il a dit une langue de cochon. Une langue de cochon? C'est ça. Ouais. C'est moins sympa à embrasser quand même. J'ai jamais embrassé de cochon. Si vous étiez. Ça me surprendrait grandement. Si vous étiez. Ou ça dépend de l'heure. Faut vraiment que ce soit très tard. Si vous étiez une époque. Une époque? Waouh! Une époque? Ça fait penser au film de Woody Allen, tu sais, La Minuit à Paris. Pardon? Ça fait penser au film de Minuit à Paris, là, le dernier film qu'il a fait, Woody Allen, où justement il y a cette ambiguïté avec quelle parole. J'ai trouvé que l'image était très belle. Okay. J'ai aimé la photo et pour moi il manque une demi-heure. Okay. Il manque une demi-heure. Une demi-heure parce que le film s'arrête alors qu'ils auraient pu encore plus délirer. Peut-être qu'on manquait d'argent donc on arrête. Ouais, mais il manque pas d'argent. Woody Allen, il est obligé de faire deux films par année quand même. C'est parce qu'il vieillit et qu'il se dépêche. Et puis, une époque. Et donc en époque. Je sais pas, je me sens bien dans ma vie. Alors maintenant. Alors je me vois, je sais pas comment. J'ai plein de clichés si tu veux, les années 50 aux États-Unis, les Cadillac Eldorado avec les guitares Gretsch et ainsi de suite. Ça me plaît bien. Okay. Mais comment est-ce que j'y serais? J'aurais pu y être, aucune idée. Alors qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous dire ce que j'en suis. Et attends, je. Non, c'est bon, c'est pas bizarre. Et. Et. Ouais, tombé de part, Renald. Non, non, j'étais le dernier. Bon. Ça roule. Non, c'était le mec à côté. Et c'est bon, c'est bon. Non, c'est non, bon. Non, non, non, non, non, non, non. Bon. Je t'assure pour tes études. Et donc, je sais pas comment je pourrais être cette période-là. Comment je dis, ouais. Par contre, aujourd'hui, je suis capable de dire. Comment je vis, c'est pas trop mal. Ok. C'est pas trop mal. Bon, il y a plein de choses qui sont pas jolies, mais à mon avis. J'accepte l'époque, tu viens avec les nouvelles choses que nous sommes à cette époque-là, la technologie, le changement climatique. Le souci, c'est qu'une technologie, technologie aujourd'hui, elle tue toujours la précédente. Oui. Et ça prend des techniciens pour. Voilà, au niveau de la musique, c'est fou parce que chaque évolution musicale, technique, a tué l'étape d'avant. On savait toujours que c'était bien, c'était bon. Aujourd'hui, on va arriver. La pierre, c'est sûrement le MP3. Ouais, le wave pour les amateurs. Et on va bientôt arriver sur le téléchargement en direct au niveau des morceaux. Il y a des supports qui changent, des cassettes, des vinyles, des CD. C'est génial, regarde, on peut je peux te faire m'écouter la musique que j'ai enregistrée la veille alors que t'es à Québec. Ah oui, c'est quand même fabuleux. Ah oui, sinon c'était compliqué quoi. Et quand ils voulaient téléphoner, ça coûtait une fortune quoi. Puis en plus il fallait se déplacer puis trouver une voix téléphonique, tandis que là ta voix téléphonique est juste à côté de toi. Oui. Alors il y a sûrement énormément d'inconvénients par rapport à tout Mais ça. Mais c'est l'esclavage aussi, on était esclaves. Pourquoi t'as pas répondu? Ah bon. À l'époque tu pouvais dire ben là j'étais pas prêt d'un téléphone. Hein. Voilà, il y avait toutes les excuses possibles, maintenant ça marche plus. Alors il faut en trouver des bonnes pour nos femmes. Ouais. Ou alors plus, pas avoir de femme. Ouais, ça c'est une autre histoire. Là. En 2012, c'est vrai que. Si tu étais un mot. Un mot? Oui. Un mot? J'ai jamais pensé. C'est bien, c'est la première fois. Ça serait pas non, ça je suis d'accord. Ça serait pas non. Ça serait pas non. Non, je le. Négatif. Négatif, non. Okay. Donc. J'aurais plutôt envie de dire le contraire, donc oui. Alors c'est oui. Bah oui. Oui. Même si ça t'embarque dans des choses assez. Oui, il faut. Oui. Il faut doser le oui. Il faut y aller. Il faut doser le oui. Doser le oui. Mais oui ou. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, on verra. Oui, mais c'est toujours plus sympa qu'un non. C'est vrai. Mais bon, il y a des moments où il faut savoir comment refuser. Plusieurs diront oui, on verra pour ne jamais dire non. Voilà. Donc ce mec-là, s'il dit oui, on verra, c'est non. Tout tremble comme un mirage, mon corps est à la rage, car Impero sautait, Or et Mercure s'y font la guerre, toutes les rumeurs du bronze m'ont donné rendez-vous, bouger me fait peur, j'aimerais partir mais aller où, mon ange. Les murs transpirent. Car Impero sautait. C'est l'air de rien, leur temps fini. Un vieux ventilateur brasse un minuscule enfer. Piégé de chaleur, toute l'eau en moi me rend poussière. Décor de faits divers. Car Impero sautait, marque au fer rouge comme un éclair. Tout